Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un ami toulousain qui est devenu parisien maintenant, Gabriel Frances. Salut, alors je vais vous raconter une petite galère, enfin c'est même pas une galère, c'est une réaction bizarre qu'on m'a dit après un spectacle. J'ai fait un 30-30 avec Aymeric Lompré, oui. Qui est quand même un humoriste plutôt confirmé, hein, ça fait longtemps qu'il est là. Donc on fait un 30-30, je dis pas à la ville et tout ça. Non, voilà. C'est pas important. On fait un 30-30. Mm-hmm. Un 30-30, ça se passe hyper bien. Vraiment, pour les deux, quoi. Je passe en premier, il passe en deuxième. Voilà, ça se passe trop bien. Et après, c'est un lieu où après on peut manger. Donc on mange avec le staff. Et donc tu sais, on fait des blagues, machin, on discute et tout. Et au bout d'un moment, la personne qui nous avait invité pour faire un 30-30 dans son lieu, elle me dit... Et sinon, t'as travaillé aujourd'hui ? Et j'ai regardé, je lui dis, ouais, j'ai gagné 600 euros parce que tu m'as fait un chèque tout à l'heure et toi t'as travaillé aujourd'hui. Donc voilà quoi, c'était pour... C'est quoi cette question ? Bah c'est parce que, ouais, ça fait... C'est, en fait, vu que quand on t'est pas connu, on se dit forcément que ouais, t'es, ouais, que t'es bouché boulot, à côté. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais voilà, en plus, c'était hyper bien payé, c'était un truc de CE, tu vois. Bah ouais, ouais. J'avais reçu un chèque de 600 euros 10 minutes avant, je dis ouais, j'ai fait 600 euros aujourd'hui. tu sens que ton travail est apprécié à sa juste valeur, voilà, quoi. Ça. Et je suis plus jamais retourné. C'est étonnant. Voilà. Je préfère aller à Bordeaux et gagner 4,50€. Avec grand plaisir. Sois le bienvenu quand tu veux. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ouais, donc tu avais une autre anecdote, Gabriel ? Oui, j'ai une deuxième petite anecdote très rigolote que d'ailleurs je raconte, j'ai déjà raconté dans mon spectacle à la fin. Mm-hmm. S'il y a un chapeau. Ah, tu vas comprendre pourquoi. Parce que j'étais à Toulouse et il y a une asso qui m'a contacté pour faire un plateau en dehors de Toulouse, à 3/4 de Toulouse. J'invite deux potes à moi que je connais bien. On y va. On n'est pas payé, mais ils nous disent par contre, vous prenez tout le chapeau pour vous et tout, il y aura du monde. Donc on s'est dit, bah cool, ça peut faire un petit billet chacun, quoi, c'est sympa. Mm-hmm. Donc on joue, ça se passe hyper bien. Effectivement, il y a du monde. Le chapeau est plutôt cool et tout. Donc on passe dans les rangs avec le chapeau, c'était un genre de grand resto, on passe dans les rangs et tout. Et au bout d'un moment, il y a une jeune femme qui vient vers nous. Et tu sais, un peu rasta, genre un peu les dreads et tout, mais ouais, c'est ouais. Sympa, tu vois. Et elle me dit, alors désolé, j'ai pas de sous. Mais par contre, je vais vous mettre un petit bout de shit. Elle nous met, et je te jure, elle nous met un petit bout de shit dans le chapeau, mon pote. Alors qu'en plus, moi je fume pas et tout, mais je savais pas comment réagir. Tu sens que ça vient du cœur. Mais oui! Là, pour elle, c'était vraiment une offrande, c'était bien, tu vois. Et parce qu'elle, elle aurait fumé sinon, tu vois. Bah, ouais. Mais nous, on fume pas. Et moi, réflexe, j'ai dit merci, je savais pas quoi dire. J'ai dit merci, c'est gentil. Et puis plus tard, j'ai donné un pote, tu vois. Sur le moment. T'as réussi à le refourguer. Je l'ai donné, bah ça, c'est facile de trouver des gens qui fument. Ah bah ça, c'est sûr. Et sur le coup, je savais pas quoi dire. Et j'ai même pas rigolé, hein. J'étais là, merci. Enfin, tellement choqué par le truc, j'ai pas su réagir. Bah oui, parce que ouais. Tu sais pas si la personne est sérieuse non, ou... Non, mais vraiment, parce qu'au début, genre, je pensais pas que c'était vrai, mais elle avait déjà normalement, je vais vous mettre un petit bout de shit. Je sais même pas, est-ce que tu veux du... Non, je mets un petit bout de shit. Mais écoute, mais franchement, je vais te dire qu'il y avait certainement plus d'amour dans cette boulette de shit. Bien sûr. Que dans certaines pièces. Et franchement, on va pas se mentir. Ouais, en vrai, je l'en veux pas du tout. Ah non, mais au contraire, elle m'a donné quelque chose qu'elle estimait bien, parce que c'était peut-être du shit de qualité, j'en sais rien. Je te disais, franchement, ce morceau de shit, en fait, c'est un truc, elle l'a donné c'était avec amour, parce que mais c'était de l'amour, je te jure, parce que elle s'est dit, ils veulent de l'argent, j'en ai pas malheureusement, mais je peux pas les laisser comme ça, ouais. Je vais leur donner ce que j'aime moi, entre guillemets, donc je trouve ça mignon, mais je te jure. Franchement, c'est super mignon, alors c'est de la drogue, c'est pas bien, c'est pas bien la drogue, c'est pas bien. Pour elle, c'était vraiment un geste, et en fait, en y réfléchissant, ça m'a fait, premièrement, ça m'a fait marrer, deuxièmement, je me dis, bon, c'est sympa, c'est sympa de sa part, quoi. Quelque part, tu te dis, si elle avait eu de la thune, elle aurait certainement mis un gros truc, tu vois. Mais sûrement. Mais par contre, je me suis demandé après, en poussant le truc, je me suis dit, si un gars, il me dit, tiens, j'ai de la coke, tu vois, un truc. Un truc vachement interdit par la loi, tu vois. Ouais, plus grave. Dit, qu'est-ce que je fais, tu vois. Je dis non, je suis obligé de. Là, t'es obligé de retourner voir ton pote à qui t'as refilé le shit. Non, mais déjà, le shit, je me sens, j'étais un délinquant, tu vois. Pour moi, tu m'étonnes. Et là, je me suis dit, attends, si on me donne de la coke, si on me donne. Tiens, allez, un petit peu d'héroïne. Tu vois, c'est chelou. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui voudront l'adresse du resto. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Wow. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux Gabriel Français, ça s'écrit comme la France avec un S. En ce moment, je suis principalement à Paris. Mais allez sur le site internet gabrielfrançaise.com, il y a toutes mes dates et toutes les infos. Parfait, bah écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez toujours sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, Sofiane Humoriste. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Bisous à tous, même à toi là-bas.